L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Pour la première fois, une particule de type baryon, le lambda B, montre des signes d'asymétrie entre matière et antimatière. Ce résultat vient d'être obtenu par l'expérience LHC-B au CERN. Il s'agit de la première mesure du genre sur un baryon, les particules de la famille des protons et des neutrons. Un phénomène encore jamais vu et ouvrant la voie vers l'explication de la domination de la matière sur l'antimatière dans l'univers. De précédentes expériences au CERN avaient pu montrer l'existence de différences entre particules et antiparticules associées sur des maisons K et B, des particules constituées d'un quark et d'un antiquark, mais encore jamais sur un baryon composé de trois quarks ou antiquarks. Ce qu'ont vu les physiciens de LHCb est une différence dans la symétrie CP, la symétrie de charge parité, c'est-à-dire la symétrie qui change une particule en son antiparticule en opposant toutes ses charges et nombres quantiques, la symétrie C, et la symétrie de direction, la symétrie miroir, P. Lorsque la symétrie CP est violée, la matière et l'antimatière se comportent différemment. C'est dans la désintégration du lambda B que les physiciens ont observé des indices de violation de la symétrie CP. Ils trouvent que les particules produites lors de la désintégration du lambda B, un proton et des maisons pi, sont émises avec un angle et une quantité de mouvement différents selon qu'il s'agit du lambda B ou de son antiparticule. Juste après la singularité initiale du Big Bang, la quantité de particules et de leurs antiparticules devait être égale. Mais à mesure que l'univers évoluait, les lois de la physique auraient pu favoriser la matière à travers de la violation de la symétrie CP. L'antimatière aurait pu alors quasi disparaître. Le baryon lambda B est un cousin du proton et du neutron. Il est composé des mêmes quarks que le proton, sauf un quark U, un quark up, qui est remplacé par un quark B, beauty. Le modèle standard des particules inclut certaines violations de CP, mais elles concernent de trop rares particules pour pouvoir expliquer le ratio matière sur antimatière qui est observé. C'est pour cela que les physiciens cherchent ardemment d'autres pistes de violation de CP, notamment avec le détecteur LHCb au CERN. Le niveau de signifiance statistique associé au processus observé par LHCb et qui montre une asymétrie dans la désintégration du lambda B en un proton et trois pions est de 3,3 sigma, ce qui commence à être très significatif. Ces résultats, dont les détails doivent être publiés sous peu dans la revue Nature Physics, viendrait ainsi confirmer les signes d'asymétrie déjà observés chez certains maisons et pourrait peut-être révéler à terme de vrais écarts vis-à-vis des prédictions du modèle standard et pourquoi pas fournir enfin une réponse au mystère de l'absence de l'antimatière. L'article de la collaboration LHCb est intitulé « Measurement of Matter-Antimatter Differences in Beauty Baryon Decays ». Il est à paraître dans Nature Physics et est accessible sur le site de Preprint Archive, dont je mets le lien en bas de ce billet. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr, le blog où l'univers de l'antimatière se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher, ainsi que sur le blog, bien évidemment, la maison mère. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !